Il parle mal, il fout la merde, pèse-le. Pas de temps à perdre, y'a des comptes à rendre sans regret. Dans la cour des grands, tu te mélanges. Tu comptes manger, digérer la rue. Sans rix, sans danger, on est tous des terres, tu sais. Donc tu peux rester à terre, recevoir ta peine à tout moment en paix. En âge de tout niquer, rafler la mise. Silence, tu dois ton fils, regarde la rue, on te la mise. Le casse-pipe, les envies de fou, ça rend malade. Demain c'est loin, mon pote, reste à jour. Les regrets d'un voyou pèsent pas. On s'étonne d'une telle puissance de frappe qui cogne. T'es plutôt frais, nous on est chaud comme de la presse. Hors norme, nombreux infinitifs. Peu de temps pour baiser l'industrie. On déboule des lourds en bonbonne. Peu de temps pour dire je t'en prie. Ça va vite, mec, on est tous cramés. Des grammes, des litres dans le four. Peu de temps pour agir. Peu de temps pour agir. Des grammes, des litres dans le four. Peu de temps pour agir. Il nous reste peu de temps pour gérer les thunes. Le régime n'a pas encore compris qu'on a viré un sens pu. Des dégâts qu'on répète, un jour tout va péter. 93, frère de la rue, prêt à tout exploser. Il nous reste peu de temps, les petites coquines s'affolent. Alors on s'impose, plus le temps de flairer. Zaska NG H armé d'une grande beauté violente. Peu de temps pour ton insolence. Qui reste à mal les larmes sans stress. Le peu de temps qui me rapporte gros. Je 20 balles pour un jackpot. Le million a frappé certains de mes potes. Le peu de bon bol qui me reste. On s'en sort pas, coller un canepin. L'équipe pour mon business qui prend ses fruits. Qui me rapporte tant. Le peu de temps pour qu'on agit. Le peu de temps pour qu'on paie cette cochonne. Il nous en faut peu pour que j'arrête l'école. Trop tôt trop jeune. J'suis le crâne pour laisser le temps de te la mettre. J'suis le temps, joue le bonhomme. Non j'm'en une balle dans le crâne. J'suis le temps, joue le bonhomme. Non j'm'en une balle dans le crâne. Il nous reste peu de temps pour gérer les thunes. Le régime n'a pas encore compris qu'on a viré un sens pu. Des dégâts qu'on répète, un jour tout va péter. 93, frère de la rue, prêt à tout exploser. Il nous reste peu de temps, les petites coquines s'affolent. Alors on s'impose, plus le temps de flairer. Zaska NGH armé d'une grande beauté violente. Peu de temps pour ton insolence. Peu de temps pour agir, faire jacter nos rêves. NGH, Zaska, délinquant on crève. Du Jean Art à la vue du lourd. Du strict dans les bacs, des chiffres, des claques. Parfois c'est tendre, la suite se fait rare. Avec ce que j'ai à faire, des morts sur des plaies, sur des fils à retordre. Mon flow c'est la guérison, j'rappe avec peu de charme, petit, le visage tendre. Le peu de temps qui reste, pour que je rejoigne ma tombe. Le peu de temps, pour qu'on pèse lourd. Il nous en faut peu, pour qu'on pèse tout. Comme je redémarre un four, tout partira de la bourre. Zaska, le peu de temps, pour que l'effet agit sur les Yankees. Le peu de temps qui reste, un Jack et ses raclis. Le peu de temps, entre temps, le temps a pas changé. Parce que le temps reste collé au QG. Le regard figé envers ces gens de temps en temps. Le peu de temps qui m'apporte tant. Le peu de temps qui m'apporte tant. Il nous reste peu de temps pour gérer les thunes. Le régime n'a pas encore compris qu'on a viré un sens pu. Des dégâts qu'on répète, un jour tout va péter. 93, frère de la rue, prêt à tout exploser. Il nous reste peu de temps, les petites coquines s'affolent. Alors on s'impose, plus le temps de flairer. Zaska NGH armé d'une grande beauté violente. Peu de temps pour ton insolence. Il nous reste peu de temps pour gérer les thunes. Le régime n'a pas encore compris qu'on a viré un sens pu. Des dégâts qu'on répète, un jour tout va péter. 93, frère de la rue, prêt à tout exploser. Il nous reste peu de temps, les petites coquines s'affolent. Alors on s'impose, plus le temps de flairer. Zaska NGH armé d'une grande beauté violente. Peu de temps pour ton insolence.